Choisis n'était pas la bonne. Tu vis par principe, tu ris, mais t'es triste. Tu jouis son plaisir, elle aime parce qu'elle insiste. La fille que t'as choisi n'est peut-être pas la bonne. C'est ni l'enfer ni le paradis. Car dans tous les cas, tu mourras la fin. Écoute de fond, pas le prix du parapluie. La misère ne justifie pas la fin. T'es gay en secret, tu ne peux pas le dire. Tu te saoules la jambe, besoin des hétéros. Ce de quoi t'es fait, tu ne peux pas le fuir. Les nuages n'écoutent pas la météo. T'as plusieurs rêves, mais pas d'objectifs. Et c'est ça qui fait que t'es toujours au même endroit. T'as fini l'école, t'as fini l'unif. Mais t'as pas de boulot, vie, j'étais en bas. Tu fais rien, mépris quasi tous les jours. Tu te mens en disant qu'il va tout niquer. Un athée qui tape quasi tous les jours aura toujours plus d'opportunités. Le monde est fait de gens qui font les choses. Et ceux qui disent qu'ils auraient pu le faire, auraient dû le faire, vont sûrement le faire. Et ceux qui sont juste en train de faire les choses. Aujourd'hui t'es tout, mais demain t'es rien. Donc pense à demain, car ce n'est pas si loin. Pour croire en Dieu, mais surtout croire en soi. Car Dieu la mort, elle ne la connaît pas. Sans emploi du temps, tu n'as pas d'emploi. Fais de l'argent, ne gaspille pas ta voix. Voiture sur les réseaux des businessmen. Dans la vraie vie, c'est métrobus. T'es grosse et grossière, tu fais ta bombe, mais t'oublies que demain tu seras mère aussi. Tu fais chier les jeunes quand tu fais ta ronde, mais t'oublies que demain tu seras père aussi. Négro, je ne t'ai pas oublié. Non, 2008, station Montgomery. J'avais embrouillé, t'as pris la fuite. 2018, tu me demandes en pute, pute. Encore les mêmes fils de putain qui se ramènent. Quand tout va mieux, quand ce n'est plus noir, quand ce n'est plus sale. Encore les mêmes fils de putain qui se ramènent. Quand ce n'est plus noir, Baltringue. Encaissé devant l'échec par un plus pressé. Mademoiselle veut se faire soulever, recycler en vulgaire déchet. Crains pas les échelons si t'as le vertige, le succès n'aime pas trop les bluffés. Toujours du mal à me faire apprécier, du sale j'en fais sans rien respecter. Bastos le jet dans le thorax, négro n'avait qu'à pas faire le show. Violence des mots, violence des flots, mais en silence sans faire d'écho. Tant d'impuissance face au glow, c'est qu'à presser. Bang. Dans les vapeurs, j'ai tiré sur du crack pour libérer triste vis. J'étais pas bien, comme quand tu te coince la bite dans fermeture jeans, le vis. Mais du fond de mes couilles, mon cœur noir à haute chose est passé. Y'avait déjà du sang sur la douille, et ça veut faire croire qu'il est blessé. Elle va voir un pote qui l'a déjà niqué en me disant de ne pas m'inquiéter. Dis-moi la vérité, rien que la vérité, je veux être au courant pour assurer. Encore les mêmes grosses putains qui se ramènent. Quand tout va mieux, quand ce n'est plus noir, quand ce n'est plus sale. Encore les mêmes grosses putains qui se ramènent. Quand ce n'est plus noir, Baltringue. Baltringue, Baltringue, Baltringue. Tu fuis la vie, tu fuis la mort, tu te fuis toi-même. Quand ce n'est plus noir, quand ce n'est plus sale.